Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Et ben voilà, Flycase est reparti pour une nouvelle édition comme tous les samedis. C'est la dernière juste avant Noël. On va en profiter au maximum cette semaine. Pas mal de nouveautés également. Et puis un nouveau numéro 1. Tout à l'heure, on aura l'occasion de vous en parler aux alentours des 18h. Cette semaine, 3 entrées et 3 sorties. Flycase. La sortie de Gentra avec Carry On, le remix de Chopstick et John John. La sortie également de Crader avec Di Puta Madre, l'ambiance soleil. Enfin, la troisième et dernière sortie, le petit sample Lorna Papichulo au PLA avec le titre Better for My Brain. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 20. Allez, on est parti tout de suite avec la 20e position. C'est la lanterne rouge cette semaine. Ça perd 5 places. Butch avec Praise the Lord. Et puis restez avec nous, vous le savez, dans toutes les heures, on aura plein de cadeaux à vous offrir. C'est Noël, c'est Galaxy. sur Galaxy. Numéro 19. When I'm feeling tired and lonely, thinking about what I have lost, I need to find something to soothe me. That one thing that could always set me free. The music's in me, it set me free. It's all that I wanna be. The music's in me, it's all I see. When I let it free, the music in me, the music in me, the music in me, the music in me, the music in me. Titre incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec la 19e position à l'instant. C'était Timothy Milton et Tania Michel avec Music Enemy. Ça perd une petite place et numéro 20. C'est l'une des plus grosses gamelles pour cette semaine. 5 places de moins pour Butch avec Praise the Lord. Restez avec nous cet après-midi. Dans quelques minutes, on aura des cadeaux à vous offrir. Flycase. Les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 18. Flycase. Nouveauté. Non. I'm losing you. Classement du plaquet s'est positionné numéro 18 à l'instant. C'est G Fellows avec Losing You. Et puis attention, vous l'avez promis, et bien tout de suite nous allons jouer. La hotline Galaxy. Galaxy, bonjour. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La hotline Galaxy. La Hotline Galaxy, le Père Noël est là avec plein de cadeaux. Il y a des entrées pour l'invitation, par exemple pour le Battle Kart, pour le Bowling Van Gogh. Il y a également des montres Oxwatch, des invitations pour le Stéréo Club, également des bons d'essence pour Q8, des packs Galaxy avec la dernière compile. C'est à vous de nous appeler 03 20 83 57 57. On fait une petite sélection et on vous retrouve sur antenne dans quelques minutes. A tout de suite. Appelle tout de suite la Hotline Galaxy au 03 20 83 57 57. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la hotline de Noël te gaffe de cadeaux. Numéro 17. titres qui te font bouger. C'est Fly Case. Numéro 16. Tous les samedis entre 16h et 18h avec à l'instant les Fatboy Slim. C'est pointé numéro 16 dans le classement du Flakez avec le titre Song for Shelter. Et juste auparavant, Paul Kalkbrenner, ça sent la fin également, 5 places au moins pour le titre Feed Your Head. La Hotline Galaxy. Galaxy, bonjour. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. La Hotline Galaxy, nous avons tout de suite Lucie en ligne. Lucie, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe, Lucie? Ça va très très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau cet après-midi? Pas grand-chose. J'ai terminé mes cadeaux de Noël et voilà, je vais me reposer avant de ressortir ce soir. Tout est prêt alors? Pas de problème. Donc Lucie de West Kyle, tu as 26 ans. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis développeuse en informatique. Ah ok, cool. Bon d'accord, alors attention, on va jouer tout de suite. Premier cadeau, tu nous fixes un numéro de 0 à 9. Numéro 2. Allez, on est parti, numéro 2. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Alors attention, ça va bientôt décrocher. Suspense. C'est une invitation pour le Bowling Van Gogh, une partie, une bowling, un bowling à Van Gogh, où là j'ai du mal aujourd'hui avec un petit rhume en plus. C'est la saison, tu as pas de rhume toi, Lucie? Non, ça va, je ne suis pas malade. Bon, bah, tu vois bien, tu pourras jouer du bowling en tous les cas. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes ce cadeau? Est-ce qu'on essaie de gagner un second cadeau également? Qu'est-ce que tu fais? Bon, on va essayer d'en gagner un deuxième alors. Allez, le second, un numéro. Le 9. Le 9. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Ça sonne, non? C'est déjà ça, hein? Oui. Stéréo Club réservation, bonjour. Stéréo Club, alors là c'est un beau cadeau également. C'est un cadeau d'une valeur de 100 euros. C'est une table pour 5 personnes que l'on t'offre avec une bouteille au choix. Et puis également un voiturier. Voilà, tu pourras sélectionner le Stéréo Club de la soirée que tu veux. Est-ce que ça te fait plaisir? C'est super. Donc tu repars avec génial. Une place de bowling et puis également une soirée là-bas au Stéréo Club. Question de t'éclater. Parfait. Voilà, tu raccroches pas, on prend tes coordonnées. Et je sais pas, qu'est-ce que tu prévois pour les réveillons à Noël, Nouvel An? Écoutez Galaxy par exemple? Écoutez Galaxy par exemple, en tout famille, à fait. En famille? En famille, oui. Et donc tu pourras peut-être sortir à Nouvel An par exemple? Tout à fait. Allez, on te souhaite une très belle après-midi et puis bon amusement surtout. Merci, vous aussi. Allez, ciao, bon après-midi. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la hotline de Noël, te gaffe de cadeaux. 15. Flycase, nouveauté, nouveauté. Let's go dancing. Incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec Tiga à l'instant et Dancing Again. Pas de changement par rapport à la semaine dernière et numéro 15 juste auparavant. C'était la seconde entrée pour cette semaine. This is I avec Comme Simi. Les 20 titres indispensables. C'est Flycase. Numéro 13. Take. 12. Thank you. Il était temps, ça rentre enfin dans ce classement de Flycase. On adore ce titre, Roisy Murphy avec Evil Eyes, c'est le remix de Clapton. Et puis tiens, un grand rendez-vous à ne pas manquer également ce soir au niveau des mix, on vient de nous le signaler, il y a Digitom, comme chaque année, ce sera la Retro House de Noël. Ce sera à partir de 22h sur Galaxy. Flycase numéro 20. Allez, on y va, récapitulatif de cette première heure. Si vous avez manqué la première heure, déjà c'est pas bien, restez avec nous. Et puis voici le récapitulatif pointé numéro 20, ça perd 5 places, Butch avec Breeze de l'Ordre. Numéro 19. Numéro 19, une petite place également de moins pour Timothy Milton et Tania Michel. Ça s'appelle Musical Me 19. Numéro 18. Numéro 18, la première entrée pour Jeff LOS avec Losing You. Numéro 17. Ça sent la fin pour Paul Kalkbrenner. Second extrait de son dernier album, ça s'appelle Feed Your Head, numéro 17. Et ça perd 5 places. Numéro 16. Les Fatboy Slim, numéro 16, ça perd 3 places. C'est le grand retour également pour eux dans ce classement. Et peut-être bientôt la fin également avec Song for Shelter. Numéro 15. Et encore une petite découverte au Galaxy, ça nous fait bien plaisir ce titre-là, This Is I, Come See Me, c'est numéro 15. I'm losing my mind if you don't call back, if you don't call back. Numéro 14. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Tiga et Ron Costa avec Dancing Again, c'est la position numéro 14. Let's go dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing. Numéro 13. Le cousin de Casimir, numéro 13, Claude Monstrock avec Make a Cake. Ça perd 4 places, ça quitte les 10 premiers ex numéro 1. Oui, oui. Numéro 12. Masséoplex, 2 places de moins également dans ce classement avec Wash Away My Tears, numéro 12. Enfin, numéro 11, mieux au tard que jamais. La voici entrée dans ce classement. Roisy Murphy, on adore sa voix, on adore tout en fait. Evil Eyes, le remix de Clapton. Numéro 10. Allez, on est parti numéro 10 tout de suite avec un nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h. On est parti dans les 10 meilleurs, 7 places au mieux pour Atlas Genius Molecular.

15 et les 21 incontournables tous les samedis. Les samedis entre 16h et 18h avec la 9ème position, la 100X numéro 1 de ce Flycase. C'était Damien Lazarus avec Vermilion. Ça perd 2 places et numéro 10. 7 places de mieux. Par contre, c'est bien parti pour être un futur numéro 1 également. Petite découverte Galaxy, Atlas Genius avec Molécule. On adore ce titre-là. Dans quelques instants, les 8 premiers. Et puis n'oubliez pas, on aura plein de cadeaux à vous offrir encore. Les 20 titres qui te font bouger. Flycase. Numéro 8. Vous connaissez le principe, on a plein de cadeaux à vous offrir avec par exemple, je sais pas moi, des compiles Galaxy, avec des t-shirts, des canettes, des pleins d'essence, également des soins de beauté, la box invitation avec plein de bons de réduction, des invitations battle cards, le bowling, on a des montres Galaxy également, des invitations pour le stéréo club, enfin il y a plein de gagnants, donc c'est le moment de tenter votre chance. 03 20 83 57 57 et on viendra peut-être avec vous sur antenne d'ici quelques instants. Appelle tout de suite la Hotline Galaxy au 03 20 83 57 57. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la hotline de Noël te gaffe de cadeaux. Flycase, Olivier Curtis. Je t'aime comme la vache.

qu'est-ce qu'on adore ce titre, Boris the Gauche à l'instant et Purple Disco Machine, ça s'appelle Love. Et c'est positionné cette semaine dans le classement du Flycaz en numéro 6. Ça gagne deux petites places. Et puis attention, on avait lancé un jeu il y a quelques instants. La Hotline Galaxy. Galaxy, bonjour. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. La Hotline Galaxy, le Père Noël est là avec plein de cadeaux. C'est ce qu'on vous propose. On a Angélique en ligne. Angélique, bonjour. Oui, bonsoir. Comment ça va, Angélique? Ça va très bien. Et vous? Ça nous fait plaisir. Écoute, tu habites Salomine. Tu m'as dit que tu habitais Waterloo auparavant et que tu connais bien la radio également. Tu as eu l'occasion de venir la visiter plusieurs fois d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'était du temps où j'y allais. Ah ouais, ok. Bah voilà. Est-ce qu'on tente nos chances pour te faire gagner des cadeaux, par exemple? Oh, n'importe. Allez, on y va. Donne-nous un numéro de 0 à 9. Le 3. Mon chiffre porte-bonheur. Chiffre porte-bonheur. Bah, j'espère que ça le sera, en tout cas. Hein. On y va. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Bon, ça sonne, c'est déjà une bonne nouvelle. Allô? Galaxy, bonjour. Galaxy, bonjour. Bah voilà, c'est un kit Galaxy que l'on t'offre avec une compile Galaxy avec le t-shirt et la canette référence de cette soirée événement qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela. Est-ce que ça te fait plaisir? Non, bah c'est génial. Alors, je vais pouvoir m'éclater. Bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On tente de se faire gagner un second cadeau ou est-ce qu'on arrête là? Si tu continues, tu risques de gagner un autre cadeau, deux cadeaux ou alors de tout perdre également. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a mon mari qui me fait signe et qui me dit vas-y, retente. Donc on va retenter. Aïe, ah, les joueurs, bah j'espère que c'est un chiffre porte-bonheur également que tu vas nous donner. Le 3, c'était bon. Qu'est-ce que tu nous fournis comme numéro? 0 à 9? Ah bah le 9, trop 9. Alors le 9, j'appuie sur la touche numéro 9. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Ça sonne, ça sonne. Ça sonne toujours. On s'en va chez Battlecar que tu auras l'occasion de te prendre pour Mario Kart par exemple. Est-ce que ça te fait plaisir également? Donc deux cadeaux, tu repars avec la compile et avec des places pour Battlecar également. Ah bah c'est génial. Et ben voilà, bah raccroche pas, on prend tes coordonnées. Qu'est-ce que tu prévois de beau pour les fêtes, toi, pour Noël et Nouvel An? Alors Noël, je le fais chez moi, on est à 25 personnes. Ah ouais. Et Nouvel An, je le fais chez ma soeur en Vendée. Ma soeur qui est une Waterloosienne aussi. Ah bah voilà, c'est parti en Vendée, voilà. On est tous au Waterloo alors. Et donc tu pourras faire ça en famille, meilleurs. En écoutant Galaxy, parce qu'on aura aussi plein de cadeaux. Ce sera Willy le soir de la soirée Galaxy. On aura vraiment la tonne de cadeaux là. Hein. Ah bah c'est génial, encore mieux. Bah voilà, allez, on te souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi et bonne soirée à tous les auditeurs de Galaxy. Raccroche pas, on se reprend juste après. Ouais, ça marche. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la Hotline de Noël te gaffe de cadeaux. Allez, on va se faire plaisir tout de suite avec un petit souvenir également de la saison 1 du Flycaz. Rappelez-vous, ça s'appelait The Swiss avec Bubble Bat, ça vous rappellera également quelque chose. Et puis, une petite pub télé actuellement. Tiens. Thank you.

We'll be right back. C'est l'un des petits cartons actuellement, ça s'appelle Majo avec Make a Living numéro 2. Flycase, c'est égal Flycase numéro 10. Allez, on y va, récapitulatif des 10 premiers de ce classement pour cette semaine. Numéro 10, ça gagne 7 places, Atlas Genius avec Molécule. Numéro 9, ex numéro 1, Damien Lazarus, on vous proposera le prochain, tiens, le nouveau la semaine prochaine, ça s'appelle Vermilion. Numéro 9, ça perd 2 places. Numéro 8. 8 places de mieux, on adore ce titre, Cut Snake avec Echo. Numéro 7. 5 places de moins, ça quitte les 3 premiers cette semaine. Koyou et Carrie Golden avec The Cat, numéro 7. Numéro 6. Numéro 6, Boris Legoche avec le nouveau. Ça s'appelle Love avec Purple Disco Machine. Numéro 6, ça gagne 2 places. Et une petite place au moins cette semaine pour Judge Tuban Burger avec Disory, numéro 5. Numéro 4. Excellent également ce titre, c'était le numéro 1 la semaine dernière. C'est à vous de voter hein, Facebook Flycase pour le faire regrimper. Unatos et Anana Club avec Hush, numéro 4. Numéro 3. Numéro 3, 3 places de mieux pour Broken Fish avec Tears. Numéro 2. Et enfin, positionné numéro 2, on vient de se l'écouter à l'instant, c'était Majo avec Make a Living, ça gagne 3 places. Allez, on est parti, nouveau numéro 1 cette semaine. Il s'appelle Étienne de Crécy, Smile. If you wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now, come on. 1 pour ce classement du Flakeys. À l'instant, c'était Alex Goffer et Étienne de Crécy avec Smile. Voilà, Flakeys, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. Dans un tout petit instant, c'est Matt Le Matou. Il est en super forme, il a plein de nouveautés à vous proposer. Ouais, non, c'est pas vrai. On va faire un petit best-of aujourd'hui. Un petit best-of, bon d'accord. Il m'a cassé mon effet là. Bravo, bravo. Fallait m'avertir. Bon, on y va, voici. Allez, c'est générique.